Le dîner de l'Akdou par Bechhofer Roberts. À mon avis, John Stone, ce jeune docteur Badling se dispose à assassiner son oncle. Mais je n'ai pas la moindre idée de la façon dont il compte s'y prendre, ni de celle dont nous l'en empêcherons, si possible. Tel est le discours que m'adressa ABC Hawks un beau matin, tandis que nous déjeunions dans son cottage du Sussex, et j'en fus fort étonné. De tous nos voisins, je crois que son préféré était le colonel Badling. Quand nous séjournions au cottage, le vieux gentleman venait nous rendre visite presque tous les matins, et après avoir admiré le jardin d'ABC avec enthousiasme, sinon avec compétence, il s'installait dans un fauteuil et bavardait agréablement pendant une demi-heure. Il me semble que dans son jeune temps, il avait fait une belle carrière militaire. Il avait été proposé 2 fois pour la Victoria Cross. De plus, il avait fait preuve de grandes capacités administratives dans un de ces gouvernements militaires ou semi-militaires qui foisonnent aux lointains confins de l'Empire britannique. Mais il n'y avait pas grand-chose en lui qui rappelât le militaire, sauf peut-être sa silhouette très droite et son sens aigu de l'honneur. Car là, j'en avais fait un vieux monsieur bienveillant, doué d'un dégoût très marqué pour tout militarisme. Je m'amusais à l'entendre lors de ses fréquents débats avec ABC sur l'avenir de la guerre. Le colonel affirmait que les armements n'étaient pas plus nécessaires désormais que les armées. Il était, selon lui, facile d'assurer la paix et de maintenir l'ordre grâce à la coopération amicale des hommes intelligents, à quelque pays qu'ils appartiennent. À quoi ABC répondait, pour le faire enrager, que le pourcentage des hommes intelligents est si faible, dans quelque pays que ce soit, que ce serait folie de compter sur leur influence en pareille matière. Il suggérait un moyen peut-être meilleur d'empêcher la guerre, répandre la connaissance des moyens de la faire scientifiquement, gaz empoisonné, bombes chimiques, bombes bacillifères, bombes atomiques, et la répandre si largement que même les plus stupides bellicistes hésiteraient, avant de s'exposer eux et leurs familles, à de tels risques. Jamais la discussion n'aboutissait, car le doux idéalisme du colonel et le cynisme pratique des ABC ne pouvaient se mettre d'accord. Et je crois d'ailleurs que ni l'un ni l'autre ne tenait à ce qu'elle aboutît, car elle fournit longtemps un thème permanent à leur causerie. Mais nous commençâmes à voir le colonel Badling moins souvent quand son neveu vint habiter avec lui. Le jeune Clive Badling n'était pas au nombre de nos favoris, et il semblait de son côté prendre ombrage de l'amitié de son oncle pour nous. Fils orphelin du frère cadet du colonel, il avait environ 25 ans et jouissait déjà d'un passé assez peu brillant. Autant que je sache, il devait son éducation aux libéralités de son oncle, et lorsqu'il eut conquis son diplôme de médecin, celui-ci l'avait établi à Londres. Mais au lieu de travailler sérieusement, il avait laissé sa clientèle se disperser et après avoir été mêlé à une affaire assez déplaisante avec la police, il avait abandonné son cabinet pour venir se faire héberger dans le Sussex par son bon oncle. Il avait une expression de physionomie furtive. Jamais il ne regardait personne en face. Il n'avait jamais l'air propre ni soigné. Et il était absolument dépourvu de la bonhomie qui caractérisait son oncle. Il était antipathique à tout le monde, aux villageois, aux snobs, aux aristocrates, et même à des résidents aussi indéfinissables que nous-mêmes. Si le colonel n'avait pas été si populaire, le jeune médecin aurait probablement été mis en quarantaine. En la circonstance, nous lui faisions bonne figure, quoiqu'à regret, et il nous payait de retour avec un regret égal. Le colonel même se rendait compte du peu de faveur où le jeune homme était tenu. Il dit un jour à ABC « Je suis un vieil homme solitaire, Mr. Hawks, mais j'espère apporter à mon neveu un peu d'aide dans la vie. Je n'ai pas l'intention de lui octroyer plus d'argent, car il le dilapide. Mais le fait de vivre ici auprès de moi le rendra certainement plus stable et en fera un meilleur garçon. Ainsi, quand je mourrai, il aura appris à faire un bon usage de ce que je lui laisse par mon testament. En attendant, cela m'arrange d'avoir un médecin dans la maison. Je ne suis plus si jeune et ma vieille carcasse a besoin de pas mal d'entretien. si vous pouvez l'aider à se ranger, Mr. Hawks, vous nous rendrez à lui et à moi un grand service. » Mais, même avec la meilleure volonté du monde, il n'était pas au pouvoir d'ABC ni au mien de rendre Clive Badling sympathique ou de le convaincre d'être un peu moins désagréable avec ses voisins. Et bientôt, le vieux gentleman se mit à baisser. Des voix irritées qui me réveillèrent un matin où je somnolais dans un hamac, près de la fenêtre du bureau d'ABC, me fournirent une indication sur la nature de son mal. « Vous me demandez pourquoi j'ai tenu à vous voir, docteur ?» disait mon ami. « Oui, parfaitement, » repartit une voix hargneuse que je reconnus pour être celle de Clive Badling. « Je ne tiens nullement à vous rencontrer et je ne veux pas que vous vous mêliez de mes affaires. » « J'en suis bien persuadé, » répliqua ABC, « et c'est précisément pourquoi j'estime de mon devoir de vous mettre en garde. Il vous intéressera peut-être de savoir que j'ai pris quelques renseignements sur votre, mettons, mésaventure, lorsque vous exerciez à Londres. À mon point de vue, vous avez eu bien de la chance de vous en tirer avec un simple blâme. Le coroner avait été aussi clairvoyant qu'il était bavard. Il aurait pu vous arriver quelque chose de pire. « Ne faites pas l'imbécile !» lança le jeune homme furieux. « Cela m'arrive rarement, mon petit ami. Je vous préviens donc sans plus d'embâge que si quelque malheur arrivait à votre oncle durant votre séjour auprès de lui, je me chargerai de demander une autopsie. » Clive Badling ricana. « Me prenez-vous pour un assassin ?»« En puissance, oui. Je suis sûr que vous en êtes un. Non, n'allez pas vous flatter d'exercer des violences sur moi. J'ai beau être votre aîné, il est probable que je boxe encore mieux que vous ne boxerez jamais. Prenez donc grand soin de la santé de votre oncle, s'il vous plaît, ou bien, par Paracels, je vous ferai regretter d'être venu au monde. Bien le bonjour. » J'entendis claquer une porte, et Clive Badling, jurant à voix basse, passa devant moi en gagnant la grille. Ce ne fut peut-être qu'une coïncidence, mais je remarquai qu'à dater de ce jour, la santé du colonel s'améliora rapidement, et il l'eut bientôt entièrement recouvré. Ce petit incident s'effaça peu à peu de ma mémoire, et je commençai même à me dire que mon ami était pris de soupçons sans fondement. En effet, Clive Badling parut se montrer plus cordial, et il se joignit fréquemment à son oncle quand celui-ci venait nous voir. Cependant, le bruit courait dans le village qu'il s'endettait auprès des bookmakers et des usuriers. Un matin où le colonel nous avait rendu visite, seul, il déclara. « Mon fameux neveu est un bon médecin, Mr. Hawks. Il a fini par découvrir ce que j'ai qui ne va pas. C'est le foie. Il m'a mis au régime. Regardez-moi. Je n'ai jamais été en si bonne forme depuis une douzaine d'années. Croyez-moi, Mr. Hawks. Si jamais vous aviez quelque chose, vous ne seriez pas mal inspiré en consultant Clive. Quel est-il, ce régime ? Questionna ABC, sans tenir compte de cette dernière suggestion. Oh ! Il est ridiculement simple. Je dois ne rien manger de frit, ni aucun mets dans la composition duquel entrent des œufs. Pas de vin, pas d'alcool, c'est tout. Et pourtant c'est un peu dur, je l'avoue. Le vieux gentleman sourit. « Voyez-vous, je n'aime rien tant qu'une bonne omelette suivie d'un verre de Porto. Mais, par Dieu, Mr. Hawks, cela vaut la peine de s'en priver, pour se sentir aussi bien que je me sens en ce moment. « Est-ce là tout le traitement, colonel ?» lui demandai-je. « Non. Clive me fait aussi des injections. De la strychnine, je suppose. En tout cas, elles m'ont merveilleusement fortifié. » Je jetai un coup d'œil à ABC, mais il ne parut pas s'en apercevoir. Il se borna à dire... Je me suis toujours demandé pourquoi il ne se trouve pas plus d'anglais pour renoncer au Porto et le remplacer par la strychnine, à dose prudente, bien entendu. C'est tellement meilleur pour la santé. Et à mon avis, le goût n'est pas tellement plus mauvais. Après tout, l'anglais n'aime pas les vins doux, et pourtant il s'imbibe de Porto, qui est le plus doux de tous. Le colonel se mit à rire. On aime ou on n'aime pas le Porto, Mr. Hawks, fit-il. Si vous l'aimez, et je suis sûr que vous l'aimez, en dépit de vos propos, vous conviendrez avec moi que le secret de sa séduction, c'est son infinie variété. Tous les champagnes se ressemblent, ou ne diffère que fort peu. Mais les variétés et les crus du Porto, c'est un monde. En ce qui me concerne, mon faible pour lui a une autre raison. Vous ai-je jamais parlé de notre dîner de Lagdo ? Votre dîner de quoi ? Questionnai-je. Lagdo, Mr. Johnstone, c'est un village aux confins du Tibet. Rien de surprenant à ce que vous n'en ayez jamais entendu parler. Bien peu de gens le connaissent. Mais il est peu probable que je l'oublie jamais. J'ai failli laisser ma peau, voyez-vous, il y a une trentaine d'années. Racontez-nous vos souvenirs, s'écria Ibissi. Dites-nous comment vous avez trompé la mort. Le vieux gentleman s'installa confortablement dans son fauteuil et nous conta toute l'histoire. Lagdou compte ma maison et quelques 200 odeurs, plus infectes les unes que les autres. Il est situé dans une vallée, peu après Gilgit, une vallée pleine des plus affreux rochers et des torrents de montagnes les plus glacés que j'ai rencontrés de ma vie. Dans la journée, sous le soleil à pic, il y fait si chaud qu'on peut à peine respirer. Dès la nuit, la température y tombe bien au-dessous de zéro, avec un vent qui coupe comme une faux. Climat très déplaisant, mais pas si déplaisant pourtant que les indigènes, lesquels valaient cependant mieux que leurs voisins des autres vallées, mais nous ne pouvions pas le savoir. Voyez-vous, deux autres lieutenants et moi-même étions venus échouer à Lagdo, durant une permission chassant l'ours. Dès la première nuit, nos porteurs et nos shikaris, probablement avertis, nous plantèrent là, et nous apprîmes que les membres d'une certaine tribu s'étaient cachés sur une hauteur surplombant le village, où ils attendaient notre départ pour nous descendre en un. Nous nous étions installés dans un fortin de pierre, un peu à l'écart du village, et chaque fois que nous ouvrions la porte, ils nous tiraient dessus. Le pire est que nous n'avions que deux bidons d'eau, et pour nous en procurer d'autres, il fallait entreprendre une descente de quelque 400 mètres jusqu'au torrent. La situation se montrait donc singulièrement malsaine pour nous. Nous ne pouvions sortir, et les assaillants ne tenaient pas à essayer d'entrer. Il leur suffisait d'attendre tranquillement que nous manquions tout à fait d'eau. Nous faisions de notre mieux, mais nos deux bidons ne pouvaient durer longtemps par cette chaleur. Pour abréger, nous nous trouvâmes un beau matin à la tête de deux bidons vides et d'une unique bouteille de Porto. Nous mourions de soif. Ce Porto, nous nous en étions munis pour célébrer le trépas de notre premier ours. Mais comme nous nous trouvions désormais chassés au lieu de chasseurs, nous décidâmes de la boire sur le champ et de mourir en combattant. Il était joliment bon, notre Porto, croyez-moi. Quand nous l'eûmes fini, nous échangeâmes des poignées de main et nous nous préparâmes à tenter une sortie dès la tombée de la nuit. Nous espérions nous frayer un chemin jusqu'à Gilgit, mais l'espoir était mince. Pourtant, messieurs, le fait que je me trouve ici indique qu'il survint quelque chose d'inattendu. En fait, quelqu'un à Gilgit avait dû avoir vent de notre aventure, car juste au moment où nous ouvrions la porte pour effectuer notre sortie, un fracas effroyable éclata sur la hauteur et une autre tribu survint. Elle mit nos agresseurs en pièces et nous sauva la vie. Mes camarades et moi fîmes le serment que tant que nous vivrions, nous nous efforcerions de dîner ensemble pour l'anniversaire de ce jour et de boire une bouteille de ce même Porto. La chance nous a souri. Nous sommes toujours vivants et en assez bonne forme. L'un de nous est général, l'autre fait partie du gouvernement et moi je suis ici. Mais vous rendez-vous compte de mes sentiments si je ne peux boire ma part de ce Porto au prochain dîner de Lagdo. La conclusion du colonel fit sourire Ibissi. Ce serait en effet une cruelle épreuve, fit-il. Vous pouvez m'en croire, affirma notre visiteur, hochant tristement la tête. Quelques jours s'écoulèrent sans que nous le rencontrions de nouveau. Mais durant ce laps de temps, notre gouvernante eut l'occasion de nous remettre le nouveau régime du colonel en mémoire. S'excusant, au petit déjeuner, de nous servir notre bacon accompagné de saucisses au lieu d'œufs, elle expliqua. C'est la faute à ce jeune docteur Badling. Le voilà qui vient trouver mon mari ce matin et qui lui achète tous nos œufs. Mon mari ne se doutait guère que je n'en avais pas un, ici, pour vous. Il achetait des quantités incroyables d'œufs tous ces temps-ci, le docteur Badling. Je me tournai vers Ibissi. Quel besoin les Badling ont-ils de tant d'œufs que ça, puisque le colonel n'a pas le droit d'en manger ? Il se borna à hausser les épaules sans répondre. Au bout d'un jour ou deux, la gouvernante reparla de l'affaire. « Ce petit docteur Badling, sœur, il est en train de me gâter mes poules, c'est sûr. Il jette des tas de coquilles d'œufs dans notre poulailler, et comme de juste, mes poules vont être gâtées. » « Je croyais que les coquilles d'œufs étaient bonnes pour elles, dis-je. Est-ce que ça ne leur fait pas pondre des œufs avec de bonnes coquilles bien solides ?»« Un petit peu de coquilles bien pilées ne leur fait pas de mal, monsieur. Mais si on leur en donne à avaler de gros morceaux, comme ceux que le docteur Badling jette dans mon poulailler, ça leur donne l'idée de manger leurs propres œufs. C'est ce que les miennes ne manqueront pas de faire. Je l'ai dit au jeune docteur Badling. Je lui dis comme ça que s'il avait besoin de tant d'œufs, je ne pourrais pas les lui fournir, si par sa faute mes poules mangent ce qu'elles pondront. » Au premier jour où le colonel nous rendit visite, ABC lui demanda s'il avait modifié son régime. « Non, non, Mr. Hawks. Et je puis vous dire que mon état s'améliore de jour en jour. Ne trouvez-vous pas que j'ai bonne mine ? Pendant le mois qui vient de s'écouler, je n'ai pas mangé d'œufs, sous quelque forme que ce soit. Je n'ai rien absorbé de frit. Et je n'ai rien bu qui en valut la peine. Mais ce qui en valait la peine, c'était de suivre ce régime. Regardez-moi, solide comme un chêne. » Là-dessus, il nous fit une surprise. Son neveu, nous dit-il, sentait le besoin de changer d'air et se proposait de suivre une croisière aux Antilles qui durerait un mois. Plutôt que de demeurer seul chez lui, le colonel nous demanda si nous voudrions bien l'inviter chez nous durant l'absence du dit neveu. Mais votre traitement ? S'enquit ABC, vos piqûres. Oh, Clive a pratiquement terminé la série, répondit le colonel. Il dit que je n'en aurai pas besoin pendant son absence et que tant que j'observerai fidèlement mon régime, tout ira bien. Il fut convenu que le colonel serait notre hôte durant le voyage de son neveu. La veille de son installation, la gouvernante nous rapporta des informations qui ne laissèrent pas que de nous inquiéter fort, mais nous prîmes bien garde de ne pas le lui laisser voir. Le jeune Badling, nous dit-elle, s'était engagé vis-à-vis de diverses personnes du voisinage, y compris d'un bookmaker de Copsmer chez qui il avait une addition salée, à les rembourser intégralement dès son retour de croisière. C'est alors que ABC émit la réflexion que j'ai rapportée plus haut. « John Stone, » me dit-il aussitôt que la gouvernante eut quitté la pièce. « À mon avis, ce jeune Badling se dispose à assassiner son oncle. » Il me fit remarquer combien il serait commode pour le neveu que le décès eut lieu pendant son voyage, et surtout pendant que le colonel habiterait chez nous. « Mais que peut-il préparer ? » dis-je. « S'il a administré quelques poisons lents à son oncle, l'autopsie dont vous avez menacé le jeune Badling ne manquera pas de le révéler. Et il ne peut pas avoir engagé un tueur pour liquider le colonel, comme si nous trouvions à Mexico ou à Seattle. Enfin, je suppose que le colonel... sauf en ce qui concerne les œufs, les fritures et l'alcool, mangera et boira ce que nous mangerons nous-mêmes. » Soucieux, ABC acquiesça. Et pourtant, j'en suis aussi certain qu'on peut l'être de quelque chose. Il se mijote du vilain. Eh bien, c'est à nous d'y parer. Et la première chose à faire est de nous assurer que le jeune docteur s'embarque réellement. Du moins, cela pourra-t-il nous soulager de l'obligation de veiller à de possibles attentats directs à la vie de son oncle. Peu après, une communication de Southampton établit que Clive Badling s'était vraiment embarqué pour sa croisière. ABC prit la précaution supplémentaire de s'arranger avec le commissaire de bord pour que celui-ci le prévînt au cas où le jeune homme interromprait son voyage en quelque port où il pourrait regagner secrètement l'Angleterre. Mais pour ma part, j'étais certain que rien de pareil ne se produirait. Clive Badling jouait un jeu plus subtil, si tant est qu'il en jouât un. Une quinzaine de jours s'écoulèrent sans le moindre incident de nature à faire craindre pour le colonel. Il s'adapta aisément à nos petites habitudes, et quand ABC était obligé de se rendre à Londres, je restais toujours à la maison pour protéger notre invité. Mais je ne savais pas contre quoi je le protégeais. Et ABC... j'en suis persuadé, ne le savait pas davantage. À certains moments, nous inclinions à croire que nos soupçons étaient dénués de fondement. Cependant, nous avions résolu de ne laisser aucune porte ouverte à un crime possible. La date du fameux dîner de Lacdou tombait à la fin de cette quinzaine. Comme tous les ans, le colonel et les deux autres survivants devaient y commémorer leur délivrance. ABC et moi, nous obtînmes du colonel la faveur de composer et de commander le menu à sa place. Son tour de le faire reprenait tous les 3 ans. ABC me dit « Nous pourrons ainsi nous assurer que sa nourriture ne sera pas tripotée. » De plus, comme le dîner aura lieu selon la tradition au Café Napoléon, je me charge d'obtenir du directeur, qui est mon ami, qu'il désigne son meilleur cuisinier et ses garçons les plus sûrs pour préparer et servir le repas. J'aurai donc la certitude que rien, dans les mets servis, ne pourra faire mal au colonel. Il est bien résolu, il est vrai, à boire sa part de la bouteille de Porto, qui est la grande attraction de ces réunions. Mais là encore, je veillerai à ce que les excellentes caves du Café Napoléon soient à l'abri de toute entreprise fâcheuse concernant le vin. Vous croyez donc que ce dîner pourrait fournir au docteur Badling l'occasion de nuire à son oncle ? Les œufs, mon petit, les œufs ! C'est là que pourrait résider le danger, fut la réponse d'ABC. Je le priai de s'expliquer. C'est une simple hypothèse de ma part, me dit-il. Mais franchement, je ne vois pas d'autre possibilité. Supposons que le docteur Badling ait employé tous les œufs qu'il a achetés par douzaines chez notre gouvernante à fabriquer une solution qu'il ait injectée à son oncle. Nous savons qu'on n'a pas mangé un œuf chez eux depuis que le colonel s'est mis à suivre son régime. Et pourtant, son neveu en a acquis des quantités. Et il est évident qu'il en a fait quelque chose. Et s'il les avait employés en injection, oui, eh bien, vous savez probablement, mon ami, que certaines personnes sont spontanément sensibilisées à divers aliments, les crustacés, par exemple. S'ils en mangent, ils sont aussitôt atteints d'urticaire ou de quelque mal semblable. Cette sensibilisation particulière est un phénomène bien connu des médecins. Oui, mon beau-frère est malade s'il mange des fraises. C'est cela même. Il est naturellement possible de prémunir de tels sujets en leur administrant une série de doses appropriées du produit nocif, sous forme d'extrait. Si, par exemple, manger du crabe vous donne de l'urticaire, l'extrait de crabe à petite dose vous immunise. Tout cela est bel et bon, dis-je, mais il me paraît difficile d'imaginer que le docteur Badling se soit efforcé de protéger son oncle contre le mauvais effet produit chez lui par les œufs, en lui administrant de l'extrait d'œuf. Je croyais que nous étions d'accord pour penser qu'il souhaitait priver, si possible, son oncle de vie, et non pas la lui conserver. Une chose à la fois, répondit Hawkes. Le traitement sert à deux fins. Non seulement on peut immuniser un malade avec des doses convenables d'extrait, mais encore on peut faire le contraire. On peut donner une quantité de doses infinitésimales de n'importe quelle substance à un individu normal et le sensibiliser ainsi, à tel point que s'il absorbe la moindre trace de cette même substance, la réaction peut être grave, mortelle même. J'ouvris des yeux ronds. Voulez-vous dire que ce jeune homme a injecté à son oncle des doses infinitésimales d'œufs, si bien que si le colonel mange un œuf, il mourra? Il serait inutile qu'il absorbât un œuf entier. Si nos soupçons sont justes, il suffirait que le colonel avalât le plus petit fragment d'un œuf ou d'un plat contenant de l'œuf. Je n'étais pas convaincu. Mais pourquoi, en ce cas, le docteur Badling aurait-il mis si énergiquement son oncle en garde contre les œufs ou les préparations à base d'œufs? Cela ne tient pas debout, voyons, ABC. Supposons que le colonel mange un œuf et meurt. Eh bien, il ne serait guère difficile de prouver que son neveu l'aurait assassiné, n'est-il pas vrai? ABC convainc que là était en effet la difficulté. Je n'ai jamais encore rencontré d'assassin en puissance, me dit-il, qui informe sa future victime et les amis de sa future victime du moyen criminel qu'il entend adopter. Et pourtant, je flaire le danger. Je veillerai scrupuleusement à ce que les œufs ne figurent pas à ce dîner de Lac-Doux sous quelque forme que ce soit, soyez-en assurés. Et pour plus de sûreté encore, j'ai persuadé le colonel de s'installer avec ses amis dans une des salles du restaurant, plutôt que dans un salon particulier. Cela me permettra d'y retenir une table pour vous. Quant à moi, malheureusement, je fais ce soir-là une conférence à la Royal Society. Ne croyez-vous pas que le danger réside dans le Porto, manquis-je? Le colonel aura peut-être tour d'en boire, après une si longue abstinence. Si longue? Ricana ABC. 2 mois au plus? Non. Si le Porto n'est pas tripatouillé, son degré d'alcool ne saurait présenter le danger pour un buveur aussi entraîné que le colonel. Je hasardai une suggestion. Peut-être que le jeune Badling s'est arrangé avec l'un des deux autres pour faire le coup, ou avec un des garçons. Dieu seul le sait, fit Hawks en se frappant le front. Où gît le danger? Je ne saurais le dire, mais mon instinct me dit qu'il existe. Bien entendu, nous ne parlâmes pas de nos craintes au colonel Badling. Aujourd'hui, nous le conduisîmes à Londres en voiture et, après que Hawks eut pris le chemin de la Royal Society pour y faire sa conférence, le vieux gentleman m'invita à faire la connaissance de ses amis. J'acceptai. Je vis le ministre. C'était un grand bonhomme maigre, chauve, le front étonnamment haut, comme son faux col, et capable du bavardage le plus merveilleusement pompeux. Il discourut presque sans interruption pendant une demi-heure, nous donnant inlassablement son point de vue personnel sur la situation internationale et sur la difficulté de faire adopter ce point de vue par ses collègues du cabinet. J'eus la certitude que celui-ci, du moins, ne saurait être soupçonné de participer à une entreprise criminelle contre le colonel. Il était bien trop infatué de lui-même pour collaborer volontairement à un crime, et il aurait fallu être fou pour rêver de l'employer comme complice involontaire. Il n'aurait certainement pas manqué d'être pris d'une envie de discourir au moment où il aurait fallu agir. Le troisième survivant de l'Agdou, le général, sympathique et rougeau, n'avait pas l'esprit assez vif pour être, consciemment ou non, de quelque utilité à un assassin. Il se trouva que je connaissais les garçons de longue date. Ils étaient au-dessus de tout soupçon. De plus, le directeur me prit à part et me dit à voix basse s'être lui-même assuré que les instructions d'ABC concernant les œufs avaient été suivies à la lettre. Enfin, les trois vieux messieurs prirent place à leur table et je m'installai à côté. Le dîner de l'Agdou était commencé. Je dois dire qu'assis là, à les observer, avec cette horrible sensation du crime planant sur nous, je n'avais guère d'appétit pour mon propre dîner. Celui qu'ABC leur avait commandé était excellent, et de toute évidence, ils l'appréciaient fort. J'avais beau chercher, je ne voyais aucune possibilité d'attentat contre le colonel Badling. Le melon, le borch, la sole, la bécasse, la glace, sans œufs, et le fromage de Stilton bien fait, suggéraient peut-être des idées d'indigestion, mais assurément pas de poison. Enfin vint la minute solennelle de l'anniversaire, et le directeur lui-même parut, portant une carafe de Porto, du Porto de la même marque que celui qu'avaient bu ces trois hommes, tant d'années auparavant, dans ce petit fort tibétain où ils attendaient la mort. Le colonel, par hasard, rencontra mon regard pendant que le garçon le servait, et il leva son verre dans ma direction pour me faire compliment. Les trois vieux messieurs échangèrent gravement des shake-hands, et avec une immense solennité, levèrent leur verre, observèrent à contre-jour la couleur du vieux vin, et se disposèrent à étremper leurs lèvres en grande cérémonie. Et c'est alors que se produisit l'horrible chose pour laquelle j'étais là. À l'instant même où le colonel absorba la première goutte de Porto, le souffle parut lui manquer. Le verre s'échappa de sa main, éclaboussant son plastron et la nappe. Il devint livide, poussa un cri inarticulé et s'effondra sur sa chaise, sans connaissance. Je bondis sur mes pieds, sans souci des dommages que je causais au verre et au plat posé sur ma table, et je me précipitai vers lui. Mais quelque rapide que j'étais, un autre m'avait devancé. Je vis ABC, les pans de son habit voltigeant encore au vent de sa course, se pencher sur le m'évanoui. Il tenait une seringue. Il releva la manche du colonel et lui enfonça l'aiguille dans le bras. Bientôt, à mon immense soulagement, le colonel parut sortir de l'inconscience. Sa respiration redevint normale et il ne tarda pas à pouvoir se redresser. Aidé par ses deux amis et par le personnel, nous le conduisîmes dans un petit salon à l'étage au-dessus et sous la garde d'ABC et d'un médecin qui se trouvait dîner au café Napoléon. Il reprit complètement ses sens. Quand il fut enfin tout à fait remis, ABC posa amicalement la main sur son bras et lui parla doucement, mais pas si doucement que nous ne l'entendions. « Mon cher colonel, dit-il, j'ai eu une révélation assez douloureuse à vous faire. Votre neveu, pour qui vous avez été si bon, « ah, je le crains, essayez de vous assassiner. » Le pauvre vieux gentleman se regimba, mais Missy poursuivit inexorablement. « Je sais que vous n'aimez pas entendre mal parler de qui que ce soit, et surtout du docteur Badling, mais je suis parfaitement sûr de ce que j'avance. Il faut que je vous le dise aussi. Voici quelque temps, je l'ai prévenu que si un accident quelconque vous arrivait, je considérerais comme de mon devoir d'en éclaircir les circonstances, et si les soupçons se concentraient sur lui, de veiller à ce qu'il soit confondu. Ce que je lui ai dit, je n'en doute pas, l'a effrayé. Souvenez-vous que vous vous êtes remis remarquablement vite de la maladie dont vous souffriez alors. Mais supposant, comme je le faisais et le fais encore, qu'il nourrissait des desseins contre votre vie, il m'a paru clairement qu'il essaiera encore de trouver le moyen de vous tuer sans risquer d'être démasqué. J'ai découvert sa méthode. Il est aujourd'hui, nous le savons, à des milliers de kilomètres d'ici. Il est parti depuis 15 jours. Il a donc fallu qu'il fît ses plans avant de partir. Je vais vous dire tout simplement, colonel, comment il s'y est pris, selon moi. Il a injecté une solution d'œuf dans vos veines, afin que le moindre contact avec de l'œuf sous quelque forme que ce soit suffise à vous empoisonner. Le colonel protesta. Mais je n'ai pas touché un œuf depuis son départ, bien entendu, fit ABC. Si vous étiez mort après avoir mangé un œuf ou un plat contenant de l'œuf, il n'aurait pas été bien difficile de deviner ce qui s'était passé. Votre neveu a été plus habile. Il savait que vous boiriez votre porto, comme d'habitude, au dîner de l'Agdou. Je le savais aussi. Mais j'avoue que la signification de ce fait m'échappa jusqu'à ce que je me trouve au beau milieu de la conférence que je faisais ce soir à la Royal Society. Je traitais de l'avenir de la télévision. Je serais incapable de dire pourquoi la solution du problème vous concernant m'est apparue au cœur de mon discours. Mais c'est ce qui se passa dans mon subconscient. Et voilà pourquoi j'ai bien déconcerté mes savants collègues en bondissant au bas de la chaire et en me ruant ici. Mais, fis-je, cette seringue, ABC. Oh, je ne m'en sépare pas depuis quelques semaines, depuis que le colonel est venu s'installer chez nous. Elle contenait de l'adrénaline, le spécifique de tous les chocs anaphylactiques. C'est le nom scientifique, colonel, du résultat du contact avec une substance à laquelle on est ou l'on a été sensibilisé, les œufs. Dans votre cas. Mais je vous répète que je n'ai pas mangé le moindre œuf. C'est là que mon subconscient s'est montré si ingénieux, lui répondit ABC. Il m'a soudain rappelé. Tandis que je le répète, je discourais devant la Royal Society sur un sujet tout différent, que la plupart des exportateurs de Porto clarifient ce vin avec des blancs d'œufs. Ce contact indirect aurait suffi à vous tuer, grâce aux injections préalables d'extrait d'œufs. Pratiqué par votre aimable neveu. Ainsi s'achève le dîner de l'Agdou par Bischof Roberts.